J'ai pas de présentation, tu me connais, moi je passe à l'acte. Un truc qui met la pression dès le premier contact. Toujours intact, rien à foutre de ceux qui jacquent. J'ai tiré ma bastose, viens tu vas kiffer l'impact. Jamais de chorégraphie, moi je sais que bouger la tête. Dans nos peuplis on danse pas, on n'est pas des marionnettes. J'ai trop d'inspi, de spi, direct je te vesqui. La vie est bizarre comme voir un noir qui se fait du ski. Je reconnais un travesti comme je reconnais un condé en ville si. Mes rimes te font pefli, ta pisse est dans ton pusli. Je te dribble comme si mon peura c'était du foot. Je t'ai repéré, je te cible puis te shoot. Ma place c'est la première classe, toi t'es en race dans la soute. Moi je te rentre dedans donc ne sois pas sur ma route. 92 320, c'est mon code postal. Pour Châtillon j'y vais à fond et je ferai pas d'escale. Fais pas le grand car je sais que t'es qu'un gland. Ici tu fais le renoi mais dans ta tête t'es qu'un blanc. Tu veux niquer sans capote mon pote, c'est ton guépier. Quand le DAS frappera à ta porte faudra pas être étonné. Vas-y souris même s'il y a que des rats dans les VK. Si t'es sûr de béton un conseil prends un bon avocat. Je suis pas comme d'autres qui se la racontent et qui friment. Ce que je raconte c'est pour les nôtres car on veut quitter la crime. Je chromatise et je représente pour vos bancs. Chromanotise pas même quand c'est le jour de l'an. Mon son il est pour les petits et pour les anciens. Je rappe pour ceux qui rincent. C'est aussi pour les grosses pinces, je veux qu'on m'entende. Donc laissez-moi parler, je veux être une légende comme le reggae de Bob Marley. Vas-y check moi la main, c'est comme ça qu'on fait dans le ghetto. Le rap de l'histoire avec la date d'un concours. On te met la tempête, la lèvre de Comorien. Comorien, je vais mettre tout le monde d'accord. Chromatise, je vais mettre tout le monde d'accord. Vas-y check, check moi la main, c'est comme ça qu'on fait dans le ghetto. Chromatise, avec la date d'un concours.